Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui, je discute avec Lucie qui effectue un service civique à l'Alter Hostel à Lyon, une auberge participative hyper cool. Ensemble, on discute de son année passée au Maroc pour une association, des périples de l'aller-retour et de la vie d'expat là-bas. Je m'excuse d'avance des quelques interruptions qu'on a eues en enregistrant cet épisode. On est dans une auberge, il faut pas l'oublier. C'est donc parti, Let's Talk Venture with Lucie. Salut Lucie. Salut. Ça va? Bah ça va et toi? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en 5 petites minutes? Enfin... 5 minutes, c'est non, bon, 5 minutes. On va dire en quelques mots brefs. Ok. T'as laissé, bref. Ok, ben je m'appelle Lucie. Ouais. Ça c'est ton tu sais. Je suis en service civique. D'accord. À l'Alter Hostel, okay. Une auberge participative. D'accord. Et je découvre Lyon parce que je viens juste d'arriver. Tu viens d'où ? Je viens d'un tout petit village dans l'Isère, au milieu de la campagne, entre Grenoble et Valence. Ok, ça marche. Je vais dire pour les personnes qui sont nulles en géographie, c'est où ça ? Ce qui est mon cas. Ok, c'est quoi ton village ? Tu veux leur faire un petit coucou ? Saint-Hilaire-du-Rosier. C'est tout petit. Coucou Saint-Hilaire-du-Rosier, vous êtes célèbre maintenant. Enfin, wow. On espère que vous allez devenir célèbre. Wow. Grâce à Lucie. D'accord. Et est-ce que du coup tu peux me décrire un peu? Tu as dit auberge participative, c'est ça? Exactement. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que c'est une auberge de jeunesse comme les autres. Ouais. Mais en plus, on a, dans l'auberge, il y a une association qui est logée dans l'auberge. Et en gros, on propose des choses un peu alternatives pour les passants de l'auberge, ouais. Pour s'ils veulent faire un petit peu du bénévolat, ou j'essaye de trouver des associations partenaires par exemple. Nice. On essaye de faire un petit peu le moins de déchets possible. Ouais. On fait notre lessive, on ouais. fait tout ça. Parce qu'ils font pas leur lessive dans les autres auberges? Non, bah ils achètent la lessive. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on fabrique. Ah oui, le produit. Le produit. D'accord, ok. Oui, oui. Ah, je pensais que tu disais... Non, ils sous-traitent à des compagnies pour les gens fassent leurs lessives. Ils vont chez le pressing partenaire. Ben après, ça existe dans les gros hôtels. Ouais, dans les gros machins. Ouais, ouais. Nous, on a notre machine et tout ça. Ouais. Ouais. Avec un sèche-linge qui est... Sèche-linge. Sèche-linge. Qui est un peu capricieux, ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Ouais. Et on a un toilette sèche aussi. Ah, oui. On a un toilette normal et un toilette sèche. Comment ça se passe du coup avec ce toilette sèche? Eh ben, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça étrange parce que c'est pas commun, surtout ouais. en ville. Ouais. Mais certains nous posent des questions, d'autres sont juste n'y vont pas ou en parlent pas. Après, voilà, ça dépend. D'accord. Mais on a souvent des questions quand même. D'accord. Quel genre de questions? Ben, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que quand on n'a pas l'habitude. Ben, c'est pas un peu énervant à chaque fois de devoir réexpliquer à chaque fois Moi, ça fait que un mois que je suis là, ouais. Du coup, j'ai pas eu encore beaucoup la question. Ouais. Mais non, après, quand on est convaincu de ce qu'on fait, souvent c'est plus facile. C'est vrai. Ça, c'est cool, ça. C'est ce qui fonctionne. Moi, j'ai vécu un peu en Chine et il y a des moments où je devais expliquer le principe d'expatriation en chinois à des Chinois qui ne savaient pas ce que c'était, qui connaissaient pas le principe de... Effectivement, ça existe des Asiatiques qui naissent en dehors de la Chine, en dehors de l'Asie. C'est des Asiatiques en Amérique aux États-Unis. Il y a des Noirs aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Noirs, ils sont pas en Afrique. Et du coup, expliquer ça tous les jours en mandarin, c'était pas terrible. Ça va, tant que t'as encore le courage d'expliquer la conviction. Et ouais, tant qu'il y a de la conviction, bah, c'est ça. Il y a le bonheur. T'es là. Du coup, comment tu t'es retrouvée dans cette auberge en fait? Alors j'ai une amie qui vient de loin et qui m'a dit qui vient de Lille. De fort, ouais. C'est quand même loin à Lille. C'est vrai. Et qui m'a dit je suis en vacances à Lyon, vu que j'habite pas non plus hyper loin. Elle m'a dit je suis en vacances à Lyon quelques jours. Est-ce que tu veux qu'on se rejoigne et qu'on visite Lyon ensemble? Ouais. Je lui ai dit moi je connais pas du tout Lyon. Bon, j'ai pas logé ici, j'ai logé chez une amie, mais elle a logé ici. D'accord. Et je suis venue la chercher et quand je suis rentrée ici, j'ai fait mais c'est trop bien. Et du coup j'ai vu un peu le concept, j'ai regardé le site internet et du coup j'ai vu qu'ils prenaient des services civiques et du coup j'ai postulé. D'accord. Ensuite, j'ai pas eu de réponse tout de suite. Je suis partie en vacances au Maroc pendant. J'avais prévu l'aller, mais j'avais pas prévu le retour. Et ils m'ont appelé pendant que j'étais là-bas. Donc, je me suis dit, bon, ben attendez, je prends le bus. J'ai mis 2 jours de bus. Je prends le bus pour venir en France. C'est ça. Ben, non, c'est vrai, c'est ouais, ça. C'est ça, pour de vrai. Ok, il faut que tu me racontes. En fait, je suis partie. J'avais envie de faire une alternative à l'avion parce que l'avion, c'est pas très bon pour la planète, tout ça. Surtout pour des tout petits trajets comme ça sert à rien, quoi. Ouais. Alors que c'est pas si loin que ça. Du coup, j'ai testé le ferry pour y aller. Du coup, j'ai pris le bateau pendant 2 jours pour aller jusqu'au Maroc avec quelques péripéties parce que le bateau s'est annulé la veille pour le lendemain. En plus, c'était un 1er avril. Je me suis dit, est-ce que c'est une blague ou pas? Non, c'est pas une blague. Voilà, mais bon, du coup, j'ai pris le bateau le lendemain et qui m'a amené à un autre endroit du Maroc, mais bon, après, j'ai fait du bus, enfin voilà. D'accord. Et ensuite, pour revenir, je m'étais dit que je reviendrais en bus, mais en entier. Alors, en bus, à un moment, il y a quand même un peu de ferry, mais c'est pris dans le ticket du bus, en fait. D'accord. Ça va tout ensemble, on était tous ensemble, même pendant le trajet dans le ferry, on était avec les gens du bus, quoi. D'accord. Et j'ai mis 48 heures non-stop, avec quelques arrêts d'une demi-heure de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils entendent par de temps en temps? Ah, pour manger. Voilà, toutes les 2-3 heures. Mais vous pouviez faire pipi quand même. Bah oui, toutes les 2-3 heures. Ouais. Il fallait bien prévoir le coup. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'était vachement sympa. D'accord. Mais parce que j'ai habité au Maroc presque un an. D'accord. En service volontaire européen. Ok. Alors, parce que service volontaire européen au Maroc, c'est possible parce qu'ils ont des partenariats où je travaillais dans une association de. Qui est pour, en gros, pour sensibiliser à l'environnement pour les Marocains, même si c'est un peu compliqué parce qu'ils ne comprennent pas du tout tout ça, ils jettent tous leurs déchets par terre là-bas. C'est vraiment. Yes. Si. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus, moi non plus, je ne sais plus où t'as coupé. Ah, l'histoire du Maroc, revenir en bus. Il y avait des pauses, mais moi je trouvais qu'il y en avait trop même, parce que je voulais que ça aille le plus vite possible. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand on a 48 heures de bus, c'est long. C'est très long, c'est pas genre 48 heures... Et t'es confort au moins? Ça va, mais j'avais un voisin qui était très bavard. Et ça, c'était un peu compliqué. Laisse-moi dormir. De temps en temps, c'est cool, mais tout le... Genre, j'étais avec lui une journée et demie, après on a fait 2 bus différents, on arrivait en France. Mais c'était un peu long. Après, il était très intéressant, il parlait de choses super intéressantes et tout. Ouais. Mais bon, des fois, on a juste envie d'écouter sa musique, lire son livre et être tranquille, quoi. J'imagine la scène creepy, tu sais, toi, t'es avec tes écouteurs, ton livre, et tu regardes, t'as ton livre en face de toi, tu regardes le paysage à ta gauche, et lui, il est là, juste à ta droite, en train de te chuchoter des trucs à l'oreille, et aussi en te raconter des histoires en mode thérapie, genre, alors Lucie, écoute, du coup, moi, ma vie... Non, parler de politique, de géopolitique et tout ça. Ouais, mais c'est quand même intéressant. C'était super intéressant, j'ai pas dit le contraire, mais géopolitique pendant une journée et demie, c'est bon. De quoi te changer toutes tes idéaux. C'est ça. Ou te les faire dégoûter à la limite. Voilà. Non, mais après, il était très intéressant et il avait des bonnes idées. Il avait des... Voilà. D'accord. Est-ce que par hasard, tu aurais des histoires marrantes, du coup, de ton année entière au Maroc? C'est quoi, par exemple, un truc qui t'a beaucoup marqué, en fait? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la différence de culture. Ouais. Parce que c'est carrément différent de chez nous. Ouais. Ils sont hyper ouverts aux étrangers. Enfin, après, ça dépend. Mais ils se doivent de... Enfin, de ce que j'ai ressenti. Après, peut-être que c'est un faux ressenti, mais ils se doivent d'inviter, quand ils rencontrent un étranger, qu'il soit étranger européen ou étranger marocain, par exemple, un étranger du Nord qui va venir en vacances, ils se doivent, si jamais ils le rencontrent, tout ça, de l'inviter, ou au moins de lui faire boire un thé, ça, c'est obligatoire. En fait, j'ai travaillé aussi dans le souk en même temps. Dans le souk. Le souk, c'est le marché ouvert toute la journée, toute la semaine. J'ai appris à faire des chaussures en cuir. Stylé! Des petites sacoches, tout ça. Avec un mec super sympa. Ouais. Et du coup, j'étais toute la journée. J'étais très souvent dans le souk. Dès que je pouvais partir de la souk, j'allais dans le souk. Et du coup, je voyais beaucoup la culture marocaine vraiment. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui travaillent dans le souk, concrètement. Les étrangers, ils sont là pour acheter, ils ne sont pas là pour travailler. En plus, j'étais une femme, alors travailler les chaussures quand on est une femme, c'est rare. J'étais la première dans ce souk-là, ils m'ont dit. Mais j'étais dans un petit village, dans une petite ville. C'est pourquoi Parce qu'en fait, c'est trop physique pour une femme, à ce qui paraît. Alors j'aurais dit, d'où? C'est trop physique, moi je suis une femme déchirée. C'est loin du patriarcat. C'est ça, là-bas, c'est pas trop, les filles, elles travaillent pas trop. Voilà. Du coup, j'ai fait des chaussures, je leur ai montré que c'était possible, que je pouvais y arriver et qu'il n'y a pas de... J'ai une image cliché dans la tête. J'ai fait des chaussures et je les ai portées moi-même. Mais j'ai même aidé à faire des chaussures qui après ont été vendues. Ah, stylé. D'accord. J'en ai pas fait en entier qui ont été vendues parce que je n'étais pas encore assez douée pour ne pas faire d'erreur. Ouais. Mais après, je m'en suis fabriquée à moi et à ma famille. Ça, oui. Et ils sont obligés de les porter maintenant d'ailleurs, ouais. Mais ils sont contents quand même. Elles sont confortables, non? Oui, super confortables. Ouais. Après, c'est juste les deux premiers jours, mais ça, c'est toutes les chaussures en cuir qu'il faut qu'elles s'habituent. C'est vrai. Mais après, c'est super confort. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai oublié la question que je voulais poser. Quelque chose de typique, non? Quelque chose de marrant qui m'est arrivé pendant un an? Ouais, mais il y avait un truc par rapport à, tu sais, tout ce qui était culture, tout ce que tu avais dit, un truc en particulier avec... Très ouvert, non? C'est ça, ouais. Ils accueillent beaucoup, ouais. Ah si, voilà ce que je voulais te demander. C'est, est-ce que du coup, ils ont cette hospitalité par vraie envie ou par plus obligation sociale? Et oui, sociale. Eh ben, je sais pas. Certaines personnes m'ont invité, je savais qu'ils en avaient envie. Ouais. Ceux que je côtoyais, enfin mes amis en fait, que je côtoyais, ouais. Comme on invite ses amis chez soi, quoi. Après, je sais que j'ai eu plein d'invitations à venir manger chez eux, mais chez des gens que je connaissais pas beaucoup, où j'ai essayé de trouver un moyen de pour pas y aller. D'accord. Parce que des fois, c'est un peu bizarre d'aller manger chez quelqu'un que tu croises tous les jours, ok, mais que t'as pas jamais vraiment parlé, quoi. C'était pendant le ramadan, souvent ils m'invitaient beaucoup parce que le ramadan c'est une période où il faut beaucoup inviter, il faut beaucoup montrer que tu es quelqu'un de bien, c'est ça, le Dieu, tout ça, tout ça. Ouais, du coup c'est plus de la, je dirais, du show-off un peu. De là ? Show-off, de la sur la pété. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens pour eux-mêmes en fait. C'est cool d'inviter des gens parce que pour eux c'est la bonne chose à faire. C'est pas pour montrer aux autres. Ah, ok, c'est de la conviction. Ouais. Ah, oui, c'est pas du tout. Ah, ça c'est cool ça. Ouais. D'accord. Okay. C'est pas du tout non péjoratif. Parce que moi j'avais ce ressenti-là un peu en Chine, c'est un peu négatif ce que je veux dire. J'ai adoré la Chine, mais il y a certains moments, tu vois quand même que t'as ce sentiment-là où ils montrent de la politesse et de la courtoisie un peu faux cul. Dans le sens où c'est hey, regarde comme je suis healthy, regarde comme je suis comme je sais accueillir et tout. Non, eux, ils ont ça dans le sang vraiment, les Marocains, c'est, l'accueil c'est trop important et c'est dans leur culture vraiment. Ouais. Et après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils disent toujours oui, même quand ils veulent pas, et après juste ils oublient de le faire. Par exemple, quand on demande quelque chose, ils vont dire oui, genre oui, pas de soucis, je vais faire ça. Et en fait, ils vont pas le faire. Mais pour eux, c'est normal de dire. Ils sont obligés de dire oui. D'accord. Ils vont dire Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu le veut. Ouais. Mais finalement, ils vont pas le faire en fait. Et ça, c'était un peu embêtant. Moi, je sais que. Mais par contre, on me trouvait bizarre que je dise non. Quand je voulais pas faire un truc, je leur dis non, j'ai pas le temps, je peux pas le faire. Ils trouvaient ça bizarre. Ils préféraient que je leur dise oui et que je le fasse pas. Sauf que moi, je peux pas faire ça. Si je dis oui, c'est que je le fais. Ouais. Si je dis non, c'est que je le fais pas parce que j'ai pas le temps. D'accord. C'était un peu ça, c'était un... Mais après, c'est la différence de culture, quoi. Non, mais ça, c'est hyper intéressant à voir, en fait, et à en parler. Et du coup, il y a un moment où, comme ça, ça t'a foutu un peu dans la mouise ou quelque chose du genre, ce genre de... Il y a eu une fois où j'ai été avec des amis dans un endroit, et en fait, je savais pas que j'avais pas le droit d'y aller en tant qu'Européenne et femme. Ah bon? Mais je savais pas. D'accord. Et du coup, j'ai mis des amis un peu dans la merde à cause de ça, mais sans le savoir. Alors du coup, voilà, ça c'était un peu étrange, mais c'est à force de creuser vraiment dans la culture et creuser dans la politique, tout ça, on remarque qu'en fait, il y a beaucoup de choses étranges, mais après, j'arrive pas encore à comprendre comment ça marche, en fait, parce que c'est... Ouais, je sais pas trop, en fait, moi j'ai ressenti ça comme ça, on m'a expliqué ça vite fait comme ça, comme quoi j'avais pas le droit d'y être, mais que... Voilà. Mais c'était qu'un an en même temps. Donc j'y suis allée un an en tout, mais j'ai fait plein d'allers-retours. C'est ça que j'ai pas dit. Je suis allée 6 mois en service volontaire européen. Et après, j'ai retourné un mois, puis un mois, puis un mois, comme ça. Et en tout, ça fait un an. Un an en cumulé. Et les 6 mois où j'y étais, là, je travaillais dans l'association. Et après, les autres fois, je suis allée en vacances. D'accord. Et c'est là où j'ai le plus travaillé dans le souk, du coup. Parce que j'avais tout le temps que je voulais, du coup, j'étais tout le temps dans le souk. D'accord. Voilà. Ça s'est bien passé à l'asso? À l'asso, ça s'est bien passé, à part avec deux personnes qui étaient trop placées dans l'asso et du coup qui géraient un peu tout et qui ne laissaient pas trop les financements pour qu'on fasse des trucs. Ils gardaient l'argent et ils voulaient pas trop. Rends l'argent, Fillon! C'était pas tout à fait ça, mais Après, c'était. Voilà, mais c'est aussi toujours pareil. Je pense que c'est une différence de culture. Ils ne comprenaient pas notre façon d'être hyper libre, de faire ce qu'on voulait. Ouais. Mais après. Est-ce que c'était parce que. Ça va être cliché à dire, mais est-ce que c'était parce que tu es une femme qu'ils te. Non, c'était pareil pour les garçons volontaires. D'accord, ok. Mais c'était surtout parce que, en fait, j'aimais beaucoup traîner avec les Marocains, parce que forcément, j'étais au Maroc, du coup, je m'étais fait des amis marocains. Ouais. Et eux, ils appréciaient pas. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils appréciaient pas. Pourtant, c'était juste des amis, c'est pas comme si je les avais, je sais pas, enrôlés dans je sais pas quoi, mais du coup, c'était pas possible. Enfin, c'était bizarre pour eux. D'accord. Alors, je me suis fait des amis en dehors de l'association, parce que dans l'association, c'était trop compliqué. Ok. Ils sont, voilà, ceux de l'association, les jeunes de l'association qui étaient marocains, s'ils étaient amis avec les volontaires français, ils avaient souvent des soucis derrière. Et je ne sais pas pourquoi. Quel genre de soucis ? Ben, pas des gros soucis, vraiment pas grave. Ouais, je sais, mais quel genre ? Mais ils étaient pas plus invités dans de certaines choses, ils étaient un peu blacklistés. J'ai des affaires à récupérer. Oui, allez-y, c'est là. Ah ouais, blacklisté, d'accord, à ce point-là. Enfin, par exemple, en fait, cette association, ce qui était bien pour les Marocains, c'est qu'ils réussissaient à pouvoir envoyer des services volontaires européens en France, en partenariat. Et en fait, c'était un peu leur seul moyen de voyager, en fait, d'accord. En France et tout ça, d'avoir le droit à un visa et tout ça. Okay. Et du coup, ben, si jamais ils étaient blacklistés, ben, ils partaient jamais en France, quoi, finalement. Parce que ils n'avaient pas, parce que les chefs, ils n'étaient pas d'accord. C'est comme ça que j'ai ressenti. Après, peut-être que c'est une vision fausse que j'ai, mais c'est de mon ressenti à moi, j'ai vu comme ça. Mais c'est en général, les ressentis, ils sont, voilà, il y a une base de vrai. Et peut-être que d'autres volontaires ont ressenti ça différemment. Ouais. On en a beaucoup parlé, mais pas, on n'avait pas forcément les mêmes façons de voir les choses. Ouais. Enfin, je trouve ça quand même être. Je trouve ça. Mais c'est une différence de culture. Je pense que, bah, avec du recul, plus je connais, plus je comprends certaines choses et que je me dis que j'aurais peut-être réagi différemment et ça serait peut-être mieux passé maintenant que je connais mieux la culture. Okay. Parce qu'ils essayent de faire passer que c'est une grande famille, mais des fois il faut aussi savoir que des fois on ne s'aime pas et puis c'est comme ça, c'est pas grave en fait. On ne peut pas être amis avec tout le monde et on ne peut pas être pote avec tout le monde, c'est pas possible. Et du coup, avec ce recul-là, j'aurais peut-être plus pris du recul sur bon bah c'est pas grave, je laisse couler, il veut pas faire ça, il veut pas, bah, c'est pas grave. D'accord. Maintenant je me rends compte qu'il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire différemment pour que ça marche mieux, mais eux aussi ils auraient dû faire des choses différemment pour que ça se passe mieux. Ouais, mais dans après, les deux sens. Voilà, mais c'est passé de toute façon. C'est, voilà, c'est ça. C'est juste de l'expérience à tirer. Et puis j'ai passé vraiment beaucoup de très bons moments là-bas. On a fait plein de chantiers super intéressants et tout ça. Des chantiers, c'est genre on partait dans un quartier ou dans un petit village. Et on nettoyait l'endroit déjà des déchets et tout ça. Puis on en faisait un jardin. Alors souvent, on avait fait un jardin japonais une fois, dans un endroit. Alors je ne sais pas d'où c'était mais un en fait, jardin vous japonais. Vous faisiez de la green guérilla au Maroc en fait. Voilà, et on faisait des grandes peintures et tout ça qui allaient bien avec l'endroit. Et est-ce que du coup, avec ça, vous faisiez de l'éducatif en même temps avec les jeunes qui... Enfin, vous incorporiez les jeunes locaux marocains. Tous les enfants du quartier vont nous aider. Ouais. Ça, c'est sûr. Même si on leur avait pas demandé, ils venaient. Ouais. Parce que les jeunes de quartier, ils adorent faire ça, là-bas. Ils sont à fond, et ils étaient trop contents, ils venaient rigoler, ils mangeaient avec nous le midi. On avait toujours un peu plus pour pouvoir donner à tout le monde. Quoi. Et du coup, ça, c'était vraiment sympa. Après, je sais que moi, j'ai jamais réussi beaucoup à discuter avec les jeunes parce qu'ils parlaient tous marocain. Et le français, c'est compliqué à cet âge-là, vu que c'est pas leur langue maternelle. Et tu parles un peu marocain ? J'ai quelques bases, des petites bases, à force d'avoir insisté pour qu'on me les apprenne. Parce que là-bas, ils parlent presque tous français, du coup, ben, c'est vachement plus facile de nous parler en français que c'est de nous apprendre l'arabe. Enfin, c'est même pas de l'arabe, ça s'appelle du darija, c'est genre un dialecte marocain, on dit en fait. Okay. C'est parce que l'arabe, c'est l'arabe littéraire, celui qu'on apprend à l'école, mais eux, ils parlent pas celui-là. Ils parlent un qui est un peu modifié, on va dire. Okay. Et en fait, ils comprennent quand même l'arabe littéraire, mais ils ont quand même leur propre pas. Du coup, c'est un peu comme nous avec le français, on a un français littéraire explicatif avec beaucoup de vocabulaire. Non, c'est plus en beaucoup plus fort, mais on peut dire comme, je sais pas moi, les Bretons, ils ont une langue aussi différente. Ouais, on va ils dire. Sont tous différents. Voilà, et ben, en fait, c'est le breton, c'est leur langue, mais ça ressemble des fois un petit peu quand même au français, d'accord. Mais c'est leur langue, et en fait, il n'y a que eux qui se comprennent. Et le français, c'est leur langue de l'école, tu vois. Ah, c'est un peu de ce genre-là. Ah, c'est un dialecte. C'est comme un dialecte, mais sauf que c'est parlé dans tout le pays. Okay. C'est parce que en fait l'arabe c'est parlé dans plein de pays différents, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, jusqu'en Arabie Saoudite, oui, tout ça, d'accord. Le Soudan. Okay. Mais par contre chez eux, Ils parlent le darija, du coup c'est le dialecte marocain. D'accord. En gros c'est l'arabe marocain. Ok. Et du coup, un arabe et un... Enfin un marocain et quelqu'un d'un autre pays à côté peuvent se comprendre quand même ou pas? Eh ben, alors, moi les marocains m'ont toujours dit, nous on arrive à comprendre tout le monde mais personne n'arrive à nous comprendre. Sauf que quand on parle avec un algérien il dira pareil et ainsi de suite. Du D'accord. coup ça dépend. Okay. Alter Hostel, bonjour. Du coup, est-ce que, en fait, cette différence de langue, ça crée du conflit, voire du racisme, en fait, entre les différents pays du Maroc? Non, la politique crée du racisme, mais pas les langues. La quoi, pardon? La politique. Fait du racisme? Enfin, pas du racisme, mais ils s'aiment pas forcément, mais après ça, je suis pas rentrée dans les détails. Ils ne s'apprécient pas. Voilà, mais je suis jamais rentrée dans les détails. D'accord, ok. Parce que c'est compliqué. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est pas la partie la plus agréable à faire d'essayer de voir ouais. Le côté politique des choses. Il y a Laurine qui a appelé. Du coup, tu comptes y retourner au Maroc? J'y étais le mois dernier. Ah bah. Du coup, vu que je suis rentrée pour bosser ici. Ouais. Et c'était trop cool, j'ai fait plein de festivals de musique avec des potes qui sont musiciens. Il y a des festivals de musique au Maroc? Ouais. Ouais, il y en a plein. Il y a de la musique traditionnelle. Ouais. Puis là, j'étais dans un festival qui s'appelle Talkitart, qui est à Agadir. Okay. Où j'ai un ami qui en faisait de la guitare dans la rue et tout. Et en fait, ils avaient aussi une grande scène avec des groupes un peu plus célèbres ou des groupes qui viennent de partout. Et essayer de... C'est un nouveau truc, ça, je crois que ça a 2 ou 3 ans. Ok. Et c'était vraiment sympa. Ah, c'est... Et je crois que c'était gratuit d'ailleurs. Bon, après, moi, ouais. Je suis rentrée parce que j'étais avec les musiciens, mais je crois bien que c'était gratuit. Je suis rentré avec les musiciens, je suis rentré ouais, backstage. C'est... Voilà, tranquille. J'ai rencontré des célébrités. J'ai rencontré Indy Zara, c'est une chanteuse marocaine qui a pas chanté, mais elle était là pour nous expliquer un peu des trucs de la musique et tout ça. Elle ouais. fait un workshop. Une masterclass. Ouais, d'accord. Voilà, et j'y ai participé. Enfin, j'ai pu discuter avec elle et tout, c'était vachement sympa. C'est parce que tu fais de la musique aussi? Ouais, je fais de la musique dans mon temps perdu. Dans la salle de bain. Ouais, mais non, pas dans la salle de bain parce que je fais de la clarinette et du coup, dans la salle de bain, c'est pas une bonne idée, ça va l'abîmer. Mais il y a une bonne acoustique dans la salle. Voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Est-ce que c'est du coup la même ambiance, festival marocain, festival français ou c'est différent? Là, c'était un peu un festival de hippies. Du coup, les hippies ouais. sont tous pareils. Hein. Partout où je trouve, ils sont tous pareils. C'est vrai. Mais. J'aimerais tellement voir à quoi ça ressemble à un hippie marocain. Bah, c'est comme un hippie de partout, ils aiment la paix quoi. Et quoi? Ils aiment la paix. D'accord, mais ils ouais, ont après, pas. Enfin, physiquement, c'est des Marocains. Ouais, des... mais je veux dire, ils ont pas ce look atypique des hippies des années 70. Ah non. Ouais, je sais, mais je suis. Moi, je suis une la vieille hippie, personne. Mais pourtant, je m'habille pas forcément. Ouais, mais la vieille personne en moi reste dans les vieux clichés, tu vois, américains du cinéma. Mais il y avait beaucoup de garçons avec des dreads ou des filles avec des dreads. Ouais. Ça, il y en avait beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup de reggae, ouais. de musique. D'accord. Quand même. Ok. Ouais, et des musiques alternatives que j'ai pas forcément compris mais qui étaient vachement sympas à écouter. Avec des instruments que je ne connaissais pas du tout, un mec qui venait de je sais plus quel pays d'ailleurs. Mais c'était hyper intéressant à voir. D'accord. Mais je l'avais jamais vu. C'est, du coup c'était international, c'est ça? Ou c'était ouais. marocain Non, c'était international. Il devait y avoir un groupe par soir de marocains à peine. Ouais. C'est tout? Et après c'était des internationales. Ok. Mmh. D'accord. Et c'était... Ouais, non, c'était cool. Alors, c'est un bon souvenir. Ah bon, ça ouais. Il s'est passé des trucs marrants du coup pendant ce festival ou... Des trucs marrants, oui, après, est-ce que... Parce que moi, quand je dis des trucs marrants, je pense souvent à des loos en fait, à des gros fails, tu vois, bien marrants à raconter. Ah non, je faille jamais moi. Ah non, j'en... Non, je sais pas, je pense, moi, je... D'accord, ok. Si, après, à chaque fois, c'était pas très bien organisé, du coup, on était un peu des fois... vu qu'il était dans la rue, il devait aller combler un endroit. Il devait aller à un endroit, après, il devait aller à un autre endroit au même moment, mais c'était un peu compliqué, du coup, on s'était mélangé les groupes, on avait fait un peu... Qui devait aller à un endroit et qui devait aller à un autre endroit? Les musiciens, ils devaient aller... Des fois, ils devaient aller sur une place. Ouais. Après, ils devaient aller sur l'autre au même moment. Ouais. Du coup, c'était un peu compliqué parce que... D'accord, ils devaient être à deux endroits en même temps, voilà, les mêmes parce musiciens. Parce qu'il manquait des musiciens, du coup, voilà. Du coup, ils ont leur groupe, ils l'ont divisé en deux. Mais sauf qu'ils y arrivent parce qu'ils sont super bons musiciens et ils arrivent à faire des musiques même qu'ils n'ont pas forcément. D'accord, ok. Des tests. Elle est bonne, hein ? Oui. Mais voilà. C'était vraiment là. Tu vois, ça par contre, typiquement, c'est le genre de truc, je pense que ça passerait pas dans un festival européen où tu dis. Mais là, ils sont. Ils sont hyper doués en musique. Genre, ils savent pas forcément lire la musique, mais ils savent la jouer comme ça. Ouais, c'est comme le jazz en fait. Mais c'est ça, ils sont super doués. D'accord. Donc, franchement. Ok. Mmh. T'en as fait d'autres du coup, les festivals comme ça? Bah après, cette fois-ci, là, ça c'est le dernier mois que j'ai fait du coup. J'ai fait aussi un festival à Rabat, mais là c'était un festival de musique traditionnelle. Où j'étais avec un groupe de femmes du village où j'ai habité pendant un moment, qui faisaient de la musique traditionnelle de ce village. Ouais. Où, en fait, elles étaient 9 femmes habillées avec une tenue spéciale, avec des grands voiles qui font jusqu'en bas et jusque sur la tête et tout ça. Et elles faisaient des chansons. Où elle criait un peu avec des petites percus et tout, elle faisait des yéyés un peu, mais c'était vraiment traditionnel quoi. Puis à côté il y avait un autre groupe qui avait les instruments traditionnels mais d'une autre façon, et il y avait plusieurs groupes comme ça. Voilà. Et là c'était vachement sympa. Ça doit être hyper impressionnant à voir. C'était vraiment sympa. Après, toute une après-midi, ça commence avec l'eau. Ouais. C'est un peu une musique où tu rentres dans la transe en fait, un peu, et si tu n'arrives pas à y rentrer dedans, je pense que tu arrives à rentrer dedans quand tu la chantes et quand tu la danses. Je crois que t'as dit, quand tu as les mouettes, quand tu as des outils spécifiques, des produits spécifiques. Non, parce qu'ils ne voient pas de l'alcool là-bas. Hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, du coup, c'est vraiment dans leur trip en fait. Ouais. Et vu que j'étais avec elle dans le bus pour rentrer jusqu'à la ville, parce que du coup après je suis allée là-bas. Et on continue! Voilà. Tout le long du bus, bon, on a eu 6 heures de bus je crois, et ben tout le long c'était des yéyés et tout dans le bus, mais c'était rigolo, elle s'était jamais fatiguée. L'extinction de voix, qu'est-ce que c'est? Ben non, ça n'existe pas là-bas. Du coup tu jouais avec elle un peu ou pas? Enfin tu te jamais avec elle? Non, pas du tout, moi j'étais... Si, je tapais dans les mains. Mais après j'avais pas pris mon instrument de musique parce que c'est trop compliqué en sac à dos. Ouais. Et puis je suis pas assez douée, et puis c'est très bien de les écouter. D'accord, ok. Moi j'aime bien être spectateur de musique aussi. Ouais, mais c'est quand même cool, tu vois, quand t'es musicien, de pouvoir jammer avec des gens qui ont plein de nationalités différentes et tout. J'ai pas appris à jammer en fait, j'ai appris à lire une partition, tu vois, mais j'ai pas appris genre à faire des. Enfin, genre quand je sais pas quelle tonalité machin. Le calvaire du solfège, ouais. Et t'as jamais. Enfin, du coup, ça t'a pas donné envie de. Si, d'apprendre à faire. Non, en fait, moi j'aimerais bien apprendre à faire comme elle, en fait, à savoir. Mais sauf que je parle pas assez bien l'arabe. Ouais. Voilà. Mais après, elle m'a donné quelques petites phrases et tout, j'ai fait avec elle, c'était rigolo. Du yaourt marocain. C'est ça, mais en plus, elle parlait pas du tout français. Du coup, j'avais un ami avec moi qui faisait un peu la traduction. Et puis moi, j'essayais avec mon petit arabe de réussir à parler avec elle. Et on lui fait un big up parce que franchement, faire le traducteur entre deux personnes, c'est très compliqué. Heureusement que je l'avais avec moi. Mais du coup, est-ce que ça a pas créé des grands moments de solitude quand même où des fois tout le monde parle et toi t'es là Ah si, mais ça c'est toujours. J'ai pris l'habitude au Maroc. J'ai pris l'habitude, c'est parce que ils se rendent pas compte forcément. C'est l'histoire de ma vie. C'est un peu ça. Mais j'ai pris l'habitude de vivre des soirées où je comprends pas forcément du tout ce qui se passe en fait. Mais c'est pas pour ça que j'aime pas ces genres de soirées en fait. Je suis hyper concentrée à me dire Ah, je connais ce mot. Bon, je comprends rien parce que connaître un mot dans 10 phrases ça sert à rien. Mais c'est... après, de temps en temps, je leur dis bon, et sinon, je suis là quand même. On peut le faire soit en anglais, soit en français, puisque là, ça va pas le faire. Mais du coup, ils parlent anglais, français? Mon ami, lui, il parle très bien français. Ouais. Enfin, même s'il dit qu'il ne le parle pas bien, mais il le parle très bien. Ouais. Il parle aussi un peu l'anglais quand même. Ouais. Et il parle à peu près tous le français, parce qu'ils l'apprennent à l'école, et que si jamais ils veulent travailler dans le tourisme ou quoi, c'est obligatoire le français. Puis de toute façon, ils rencontrent toujours des Français un peu partout. Enfin, au Maroc, il y en a énormément. Ouais. Des gens qui habitent au Maroc et des Français qui habitent au Maroc, il y en a beaucoup. Tu connaîtrais, toi, le pourcentage de population française Ah non, je connais pas du tout, mais j'en ai rencontré, mais ça m'a pas du tout plu. J'ai préféré rester avec les Marocains. Pourquoi ça t'a pas plu? C'est ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, ils doivent pas tous être comme ça, heureusement. Ouais. Mais ceux que j'ai rencontrés, c'est ceux qui se disent « Ah, oh, cool, avec, vu que je gagne un peu ma vie quand même en France, je peux acheter une super baraque au Maroc, je vais aller vivre au Maroc, ouais. Je vais m'acheter une super baraque et puis je vais exploiter les Marocains sans état d'âme. Voilà, c'est ça. Et je vais les inviter à faire de la musique des soirs où on a prévu de faire un barbecue au cochon, tu vois. Donc je me dis que c'est quand même un peu abusé. Voilà. Je me dis que c'est quand même... L'irrespect. Voilà, je suis d'accord. Le seul que, voilà, il a parlé mal alors que... du coup, mon ami, il fait beaucoup de musique et lui, il sait pas dire non. Mais lui, c'est, il le fera vraiment dans tous les cas. Lui, c'est pas comme les autres, genre oui, et puis il va pas le faire. Non, il le fait vraiment. Et le truc, c'est qu'il a bien compris ça. Il y a un Français que j'ai rencontré là-bas qui fait... Et il va lui parler n'importe comment si jamais il... En fait, lui, mon ami, il fait ça à sa façon, à la façon marocaine. Ouais. Tout ce qu'il entreprend, des concerts et tout ça, quand il les organise à la marocaine. Sauf que ce Français, il n'arrive pas à comprendre la culture marocaine. Ouais. Et du coup, il n'arrive pas à comprendre qu'on ne le fait pas à sa façon. Alors du coup, lui, il va s'énerver contre lui. Alors que, je vois pourquoi. Parce que c'est pas son patron, c'est pas... Enfin, il a rien contre... Enfin, il a rien à lui... dire. À la fin, c'est moi qui faisais transition, genre oui, alors il peut pas être là ce jour-là, c'est moi qui lui ai téléphoné et tout. Et après, il me disait, tu peux me le passer? Non, il est pas là, alors qu'il était en face de moi, mais parce qu'il voulait pas lui parler, parce qu'il savait qu'il allait se faire engueuler. Mais du coup, j'essayais de calmer les choses parce que c'est compliqué quand même. Quand cette personne se croit supérieure à tout le monde, alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas parce qu'il est français et qu'il a de l'argent qu'il vaut mieux qu'un Marocain qui a pas d'argent en fait. C'est quoi cette non? Non, en fait. Et du coup, voilà. Après, j'essaie de leur faire comprendre, vous savez, tous les Français ne sont pas comme ça, regardez-moi, je suis plus gentille que lui quand même. Mais malheureusement, ils voient que ça, parce que c'est les seuls Français qui voient. Après, ils voient aussi quelques touristes qui sont là plus en sac à dos et qui sont là plus dans mode tranquille et tout, et du coup, là, ça va. Ouais. Puis après, ils voient beaucoup les volontaires de l'association où j'étais. Ouais. Du coup, ça aussi, c'est pareil, on est tranquille. Du coup, tu réussissais à faire de la pédagogie en disant, vous voyez ce genre de population, personne ne les aime en fait. Oui, personne ne les aime, non mais attends. Si, ils ont leurs potes quand même. Entre eux, ils s'aiment bien. Ils font de l'inceste. Un jour, il y en a un qui m'a dit, mais tu sais, nous, il y a mon fils qui est par là, j'ai des amis, ils ont leurs enfants et tout, si tu veux rencontrer des jeunes et tout, mais moi, j'en connais plein des jeunes, mais ils sont marocains, mais ils sont très bien aussi. Hein. Ouais. Moi, je ne veux pas rencontrer des Français quand je suis au Maroc, c'est nul. Les Français, je les rencontre en France. Ouais. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de voyager pour retrouver les mêmes personnes qu'on croise dans notre pays. C'est dommage. Du coup, est-ce que tu réussissais à faire... C'est pas ça la question que je voulais dire. ça arrive. C'est ça. Je pense que ça crée beaucoup de conflits, ce genre de situation. Avec ce monsieur, oui, il y en avait tout le temps des conflits. D'ailleurs, je lui ai dit d'arrêter de faire avec lui parce que ça servait à rien. Ouais. Mais après, il a toujours un peu des sous, du coup. Enfin, cette personne a des sous à donner, et du coup, il se dit, en donnant ça, il fait un peu la charité, mais c'est débile, quoi, c'est la façon de faire. Mais je lui ai dit, il faut qu'il essaie de trouver d'autres solutions pour organiser des trucs, parce que lui, il changera jamais. Ce Français, il changera jamais, quoi. Il se mettra jamais en question. Il se remettra jamais en question. Ouais. À part si un événement traumatisant lui arrive. Un accident est si vite arrivé. Non, faut jamais souhaiter le mal des gens. Je sais, mais bon, là quand même, il y a beaucoup de haine là, qui se développe en moi, mais on est là pour de la bonne humeur et pour de la joie. Exactement. Ok. Vers où je peux transiter? Du coup, ça fait combien de temps que tu es installé sur Lyon? Un mois. J'ai déménagé hier. D'accord. Parce que j'ai squatté dans la famille et puis là, j'ai vraiment déménagé dans mon appartement hier. Ça se passe bien pour ça? Ouais, super bien, je trouvais des gens géniaux. D'accord, cool. Enfin, je les connais pas encore beaucoup, mais du peu que je les connais, ils ont l'air géniaux. D'accord, ok. Et du coup, il te reste combien de temps encore de service? Il me reste encore 5 mois. 5 mois. Cool. Ouais. T'as pas eu quoi du coup? Pendant mon service civique? Pendant. Ouais, enfin. J'ai envie de tout apprendre comment marche une auberge de jeunesse, parce que ça m'intéresse vachement. Et de découvrir Lyon, et de découvrir tous les assos que je peux trouver, toutes les assos hyper sympas, même pour moi perso, pas que pour le service, mais enfin, si ça marche pour les deux, c'est cool aussi. Voilà, et après je sais pas ce que je fais. Ma vie en fait est toujours floue dans le futur. J'ai toujours vécu un peu au jour le jour. du coup, je sais pas trop. Et t'as des petits coups de cœur pour l'instant de ce que t'as découvert sur là? Ouais, ben des personnes que j'ai rencontrées déjà. Ouais. Ouais. Notamment une personne en face de toi qui est avec un micro. Exactement, bien sûr. Et puis des gens avec qui je travaille. En plus, vu que peut-être que mes responsables vont écouter, du coup. Ils vont écouter. Je dis qu'ils sont super sympas. Alain et Sam, on vous fait un coucou. Voilà. Puis même dans mes collègues, pour de vrai, en fait. Ouais. Ils sont tous hyper cool ici. Mmh. Ils se prennent pas la tête et tout, c'est agréable. Mmh. Et même les autres personnes que j'ai rencontrées dans des assos déjà, tout ça, autour d'ici, sont sympas. Puis après, j'avais déjà une copine ou deux qui habitent ici. D'accord. Qui sont déjà sympas, puisque c'est mes copines, forcément, ouais. Sont sympas. Et c'est quoi les assos que tu as vu pour l'instant? Alors, j'ai vu une asso qui s'appelle Eco Charlie. Oui. C'est des gens qui vont récupérer les invendus des magasins bio, qui les récupèrent en sac à dos. Et après, on se retrouve tous... En fait, on va tous dans des magasins bio différents, ouais. Et puis on se retrouve tous à un endroit prévu à l'avance, ouais. Et après on met tout sur la table et après on récupère chacun ce qu'on veut. Stylé. Pour éviter le gaspillage et tout ça. Et, voilà. Et au moins c'est pour se nourrir moins cher, ben, gratuit du coup. Ouais, ouais, carrément. Mais en contrepartie, il faut aller chercher les choses et tout ça, tu viens pas juste pour récupérer. D'accord. Voilà, chacun met un petit truc et. Ça, c'est Eco Charlie. Eco Charlie, voilà. Après, j'en ai encore pas découvert beaucoup plus parce que j'ai pas eu encore beaucoup de temps. Ouais. Mais voilà, après, on verra. D'accord. Je cherche un peu. Mmh. Voilà. S'il y a des magasins, il y a des magasins, des associations qui réparent les vélos et tout. Ça, c'est cool parce que je cherche un vélo. Enfin, faudrait que j'achète un vélo. D'accord. Du coup, après, enfin, ils les vendent d'occasion et tout. Du coup, c'est vachement cool. C'est quoi cette asso? Il y en a une qui s'appelle. Je pense qu'il y a une bêtise. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Chaperché. Chaperché. Mais je suis pas sûre. Ok. Alors voilà. Vous chercherez sur internet. Vous taperez les mots-clés vélo, réparation, Lyon, association. Non, je crois que c'est ça, c'est Chaperché. Ça marche. Ok. Et d'accord. Et ouais, là clairement, c'est la bonne saison pour commencer à faire du vélo sur. C'est un peu chaud, mais. Ouais. Mais c'est cool quand même. Si jamais vous voulez. Si jamais vous êtes de passage à l'Alter Hostel, moi j'ai un petit tip pour vous. Si vous prenez un vélo depuis, on va dire, Bellecour, et vous longez tous les quais au bord de l'eau pour venir à l'Alter Hostel, c'est magnifique, c'est calme. Et en plus, l'Alter Hostel loue des vélos directement dans l'Alter Hostel. C'est vrai ? On peut récupérer, ouais, on peut louer un vélo. Mais personne ne me l'a dit, ça. C'est écrit là. Et je sais pas lire. Ah mince. Il a fallu demander. Mais d'accord, oui, okay. Si, c'est ça. On loue des vélos en plus ici. On a des vélos qui nous appartiennent. On loue des vélos. Avec le cadenas et tout, comme ça, pour toute l'après-midi ou la journée. Voilà. Vous avez plus de raison de ne pas venir à l'Alter Hostel. Exactement. Ouais. Et en plus, il y a des super personnes qui travaillent ici. D'accord. Alors, ça vaut forcément le coup. Ouais. est-ce que tu as un mot de la fin à dire, un petit résumé de pour l'instant, c'est quoi tes plans passés, tes plans futurs? De profiter de la vie et d'être heureux. C'est bête, mais c'est cool. C'est un bon tip. Et pas se prendre la tête et toujours prendre du recul sur ce qu'on nous dit et pas juger directement en fait. Ouais. Genre, on va te dire un truc, bah, tu vas pas juger genre ah non c'est pas vrai ou ah c'est carrément vrai. Non, faut prendre du recul et essayer de voir. Et quand il y a une personne qui vient nous voir ou qui nous parle de quelque chose, faut pas directement juger par son apparence ou quoi. Faut d'abord comprendre et prendre du recul. Parce que c'est très important et il y en a pas assez de recul. C'est très français ça, ce comportement de juger directement très rapidement. Ah ouais, ça c'est pas bien. Il y a ma soeur qui est comme ça. C'est coucou Estelle. elle a ce truc là, tu sais, de. Je suis quelqu'un d'assez spontané et j'essaye d'être drôle. Et il y a des moments où tu vois, par exemple, je venais de finir dans mon rapport de stage à la dèche, à la dernière minute, il fallait qu'on l'envoie à la poste. Et je me suis dit, ouais, on va quand même faire une photo marrante, tu vois, en disant ce rapport de stage m'a achevé. Donc je lui ai dit, vas-y, prends-moi en photo, je m'allonge sur le sol, je mets le rapport de stage sur ma tronche, il m'a zigouillé. Il a fait, mais non, t'allonges pas sur le sol, c'est sale, c'est dégueu et tout. On s'en fout, c'est drôle, c'est le but. C'est quand même. Oui. C'est que ce soit drôle en étant respectueux, parce que je fais mal de personnes en faisant ça. Je fais plus rire. Oui. Voilà, juste soyez spontané en étant respectueux, c'est le plus important. Et jamais, il faut toujours en faire attention aux autres, pas faire de mal aux autres. Ouais. Même si on les trouve bizarres, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes idées que nous, même s'ils ne sont pas gentils ou quoi, et ben c'est pas une raison pour être méchant envers eux. Il faut juste les ignorer si jamais on n'arrive pas à être gentil avec eux, parce que c'est difficile d'être gentil avec des méchants. Mais si on les ignore, ça. Ouais. Quelle phrase philosophique. Merci Lucie. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Un grand merci à Lucie d'avoir accepté de passer devant mon micro. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, iTunes et les applis de podcast dédiées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes et un pouce bleu sur YouTube. Et bien sûr, le partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.